toute épreuve, le trio passe. Te sors des sentiers battus, ça alors va falloir s'y faire. Virgin est dans la rue, on perce les mystères. Considère le son comme étant dangereux. Une vague meurtrière, ce qu'on veut, c'est foutre le feu. Que les salles de concert brûlent comme le tonnerre. Crame les soirs d'hiver, on clame un requiem. Les sceptiques repartent au cimetière. C'est reparti, les bacs en ont des frissons sont garantis. Certains nous pensent et un pied dans la tombe, l'autre dans l'oubli. On est là, protège les murs du bloc, épaulé du dog. On flirtait avec le doute à l'époque, là on pète les spots. Lost, y'a pas 36 solutions, un seul chemin, implorer le destin qui centralise le courage au sein des miens. État d'urgence 99, faut prendre l'importance. Les places sont payantes au paradis de la concurrence. La clinique est dans la place, toujours ce putain de groove dans la basse. C'est reparti, un seul but, faire kiffer la masse. It's le papillon ici, Charlie Wenzoum, papillon DJ, découvrir le tas sur le sillon. 99, on est là, même si la pression est là. C'est la clinique, pareil au combat. Rap, codéine pour grande gueule, nouvel opus. Mon bloc clinique sous pression, doc, doc, sous néocodion. Honneur au mien, fais tourner la zic, j'froisse la symphonie. Notre heure sonne, folie, quel bénéfice, plus fort que les Rolling Stones. On fout ça, des fourrailles secs, comme sex story, comme one man bible. Bouleversant comme retour de l'enfant prodige, j'en ai là. Morphine dans les bacs, nommé rap, vas-y brise ta nuque. Ici c'est la clinique, dans l'empire contre-attaque. Charlie Wayne, outsider, au starting block, on va faire bouger les grands liens. Et pousser les très blocs, sauf plus local. Mon staff roule, le taf sonne, on est en mission. C'est 99 mon grand, il faut que ça passe comme dans du fond. Dans les land buff, surpiqué en testos. Ils le pavillon pour notre tour, ça part en testos. Dans les fenêtres on bosse et porte nos croix. Jamais dans ce monde de mulet, faut profiter du buzz. Le hip-hop nous on baisse, on en connaît, c'est l'heure du crime, on signe et laisse les blessés. Trop longtemps qu'on est là, bêtement, ça passe au votre remerciement. Le pavillon ici, Charlie Wenzoum, papillon DJ, découvrir le tas sur le sillon. 99, on est là, même si la pression est là. C'est la clinique, pareil au combat. Cette année, faut que ça pète. C'est reparti, on drive la AK-47. 99, on braque, on masse, c'est pas les States. Sonorité saga, bon son de salaud. Aaron Z, la guérilla organisée en Cunha, Mahoma, en masse, voilà. Pète un split sur kilowatt corrosif. Dans les bacs, ça fume, c'est le retour de la clinique. On fait ce qu'on veut, on fesse toi. La santé des envieux, souviens-toi. L'été dernier, aux hypocrites, on lève les doigts du milieu. La réussite, on la doit à personne, non, c'est la loi, non, du milieu. Non, fais confiance à l'être humain et te crèvera les yeux, mes aïeux. Gringo, toi et moi, c'est single, single. Le revers de la médaille se fera dans la. Implosion d'un stéréo. Pas de quartier, paré au combat. Faut y aller sur Paris, les enfoirés parlent. Comme dit Bruno, on est en sursis, c'est reparti. Faut tout saigner dans la place, c'est pour ceux qu'on aime toutes. Les banlieues, zones rouges en passe.